Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, vrai ou faux? L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. Les deux personnages dont nous allons vous raconter l'histoire aujourd'hui illustrent à merveille cet aphorisme de Picasso. Fernand le Gros, marchand d'art de génie, et Elmire de Horry, peintre qualifié en son temps de plus grand faussaire du XXe siècle, puisqu'il s'agit d'eux, sont des as de la tromperie artistique. Dans les années 60, ils sont au cœur d'une escroquerie retentissante dans le monde de l'art. Le premier, figure grandiloquente et flamboyante, a fait fortune en vendant des toiles de maître par lot entier à de riches Américains. Le second, peintre doué mais pas très inspiré, s'est fait une spécialité de peindre à la manière de Modigliani, Picasso. Le Gros, Horry, deux mythomanes patentés qui posent la question de la frontière entre le rêve et la réalité. Le roman de leur vie est en effet aussi faux que leur toile. Le récit que vous allez entendre risque d'ailleurs de mettre en lumière, voire en valeur, les fruits de leur imagination et de leur escroquerie, mais elle vaut le détour. Notre invité aujourd'hui, Harry Bellet, journaliste culture au journal Le Monde, auteur du livre intitulé « Faussaires et lustres » et du documentaire « Fernand le Gros, roi des faussaires ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je suis Elmire. Vous avez certainement entendu et lu mon nom, aussi dans l'Express. Monsieur François Reichenbach est arrivé à Ibiza, l'île où j'habite. Une île merveilleuse au milieu de Méditerranée. Et je suis percé en dehors sur un rocher dans une très jolie maison. Et monsieur Reichenbach est en train de filmer ma vie. Il fait mon portrait. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez croire l'histoire. Parce que même si vous ne le croyez pas, l'histoire est vraie. Eh bien, la voici l'histoire. Le 6 mars 1971, le public découvre à la télé le portrait d'un peintre, Elmire de Horry. 60 ans, sophistiqué, les cheveux blancs soigneusement coiffés en arrière, un monocle à l'œil gauche et une large ceinture en cuir marron ornée de bijoux et de clous autour de la taille, il savoure avec délice l'attention dont il est l'objet. L'homme est une petite célébrité, il ne peint pas de toiles originales, il n'est pas un nouveau Picasso, bien que. Il s'est fait un petit nom pour ses toiles à la manière de Picasso, Modigliani ou encore Matisse. Défaut? Non. Il faudrait pour cela qu'il y appose une signature contrefaite. Il ne se permettrait pas de faire une chose pareille. Pourtant, l'immigré hongrois s'y connaît en fausseté, petits arrangements avec la réalité. Né Elmer Hoffmann, il s'est inventé une trentaine de noms. Elmir Herzog, Louis Cassou, Joseph Dory, Joseph Dory Boutin ou encore Baron Elmir von Horry. Depuis qu'il a débarqué à Ibiza, il s'est fait passer pour un noble hongrois de sang royal rejeté par sa noble famille. Officiellement, il mène une vie oisive, partage son année entre voyage à l'étranger l'hiver et villégiature à Ibiza l'été, où il a fait construire une somptueuse villa, la Falaise, devenue lieu de rendez-vous de la jet-set de l'île. Personne ne se demande vraiment d'où vient son argent en réalité. Elmire de Horry, c'est le nom que nous retiendrons, a su habilement faire fructifier son talent. Enfant d'une riche famille de Budapest, le jeune homme part étudier la peinture à Paris lorsqu'il a 18 ans. Il reçoit probablement les enseignements du peintre Fernand Léger à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris. La Seconde Guerre mondiale bouleverse sa vie. Il retourne vivre à Budapest. De retour à Paris, dans l'après-guerre, sans le sou, il essaie de vivre de sa peinture. Un échec, car s'il est talentueux, Elmire Horry manque d'originalité. Jusqu'au jour où une dame très riche aperçoit l'une de ses œuvres, une esquisse à la manière de Picasso qu'elle pense véritable, exécutée en à peine 15 minutes. Elle lui en propose une somme rondelette. Tentant. Après tout, Léger et Vamin, que n'ont-ils pas peint de faux coraux et de faux Cézanne? Horry accepte et démarre ainsi une carrière de faussaire prolifique. L'homme est même présenté comme le plus grand de son époque. Pour le prouver, avec l'aide de son ami et biographe Clifford Irving, il joue un petit tour à l'un des plus grands musées du monde. Il raconte anecdote sur l'ORTF en 1971. Je voulais savoir comment se déroulait une expertise. J'ai donc demandé à Elmire de me faire trois dessins, deux Matisse et un Modigliani, ce qu'il a fait avant le déjeuner. Il a même ajouté quelques taches de café, comme si Modigliani avait fait son dessin à la terrasse d'un café parisien. J'ai emmené les trois dessins au musée d'art moderne, en disant qu'ils provenaient d'un héritage, d'une tante que je ne connaissais même pas. Mais j'avais tellement entendu parler de faux récemment qu'avant de les vendre, je voulais m'assurer de leur authenticité. L'expertise a duré 2 heures et on est revenu en me déclarant que les dessins étaient parfaitement authentiques. Doué pour peindre, Elmire de Horry n'excelle pas en revanche dans la vente de ses toiles. Le faussaire n'aurait jamais sans doute mené grand train s'il n'avait croisé la route d'un marchand d'art particulièrement imaginatif, Fernand Le Gros. Et c'est aussi ce qui attire les journalistes de l'ORTF qui réalisent le portrait d'Elmire de Horry. Car lorsqu'ils débarquent, micros et caméras à la main à Ibiza, Le Gros et Horry sont au cœur d'un scandale qui secoue le monde de l'art depuis 4 ans déjà. L'affaire en question démarre le 13 mars 1967. Ce jour-là, la veuve du peintre et paysagiste français Albert Marc reçoit la visite d'un antiquaire. L'homme se présente avec une toile de son mari décédé depuis 20 ans, peinture baptisée Plage de la Sainte Adresse. L'œuvre doit être vendue quelques jours plus tard aux enchères à Pontoise. L'antiquaire souhaite que Madame Marquet authentifie la toile. Mais la veuve ne reconnaît pas l'œuvre de son défunt mari. Elle est catégorique, la peinture est un faux. La suite, c'est elle qui la raconte devant les caméras de l'ORTF. Et là, nous avions affaire à un monsieur tout à fait correct et qui m'a dit tout de suite, eh bien écoutez, moi aussi j'avais des doutes, je pensais qu'il était faux. Mais si vous le pensez, je vous le laisse, faites-en ce que vous voudrez. Oui, car ce tableau vous a été présenté par une personne interposée, disons. Par une personne interposée qui le tenait d'un certain monsieur qui voulait avoir une signature d'authentification et qui l'amenait d'ailleurs avec 2 signatures d'experts que je préfère ne pas nommer. Vous avez donc remis ce tableau à la police. J'ai téléphoné à la police et j'ai remis ce tableau à la police. Le mystérieux propriétaire est pour le moment appelé Monsieur X dans les médias. Pour autant, il n'est pas un inconnu pour les services de police. La brigade criminelle enquête sur lui et cherche à le coincer depuis un petit moment déjà. Son nom, Fernand Le Gros. Interrogé par les inspecteurs, il explique avoir reçu la toile d'un ami récemment décédé. Bref, il joue l'innocent et prétend n'avoir jamais su que c'était un faux. D'ailleurs, il dispose de 2 certificats d'experts pour cette œuvre. Comment aurait-il pu se douter de l'imposture? Voilà, l'affaire aurait pu en rester là. Mais les enquêteurs épluchent le catalogue de la vente aux enchères de Pontoise. Ils constatent que le vendeur propose également 4 autres toiles, 2 Dufy, 1 Vlaminck et 1 Derain. Guy Martineau, le commissaire-priseur, est alors averti de l'affaire par le comité professionnel des galeries d'art. Les galéristes étaient déjà particulièrement méfiants. En janvier, en effet, l'ex-amante Le Gros, Réal Lessard, avait été arrêté avec une batterie de faux cachets, tampons d'experts, cachets de banque, de douane, le petit nécessaire du parfait faussaire. Le commissaire-priseur, Guy Martineau, décide donc de retirer l'étoile de la vente in extremis et les soumet à expertise. Verdict, ils sont tous faux. Les tableaux sont remis à la police. Quelques jours plus tard, Fernand Le Gros reçoit les journalistes dans son appartement cossu de la rue Henri Martin, vêtu d'un costume impeccable, un verre de scotch dans la main, le bruit des glaçons. L'homme est très élégant, affable. Il se présente comme un simple amateur d'art. Un amateur d'art trompé, car à l'entendre, il serait lui-même victime. Oui, il a payé le marquet 90 000 francs nouveaux, 9 millions d'anciens francs. Devant témoins, précise-t-il, ça fait cher le faux. Quant aux Derain, même refrain que pour le marquet. Le Gros dispose de 2 certificats d'experts et même d'une attestation de la veuve du peintre, Alice Derain. Le collectionneur réussit-il à embrouiller les journalistes? C'est peu probable. Et pour lui, les ennuis ne font que commencer. Au départ, Fernand Le Gros n'est pas un spécialiste. Originaire d'Ismaïla, en Égypte, fils d'un Français comptable pour la compagnie du canal de Suez et d'une mère grecque, il démarre dans la vie comme danseur. Il prétend avoir dansé pour la compagnie du marquis de Cuevas aux États-Unis et dans la troupe de Zizi Jeanmer et son mari Roland Petit. Bon, information jamais confirmée. Ce serait d'ailleurs la mère de la danseuse connue pour son truc en plume qui l'aurait initié à la vente de tableaux. Oui, comme il le raconte au micro d'Alain Trampolieri sur France Inter. Il y a peut-être 20 ans, 18 ans, j'avais connu Madame Jeanmer et Madame Jeanmer aux États-Unis vendait des tableaux de maître. J'ai toujours eu la passion pour tout ce qui touche les arts, j'aimais beaucoup la peinture. Et cette idée me semblait assez attrayante. Et c'est ainsi que j'ai commencé à vendre des tableaux. Mais à l'époque, je dansais dans les ballets du Marquis de Cuevas. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier client ? Oui, c'était un producteur de films à Hollywood qui m'a acheté mon premier tableau. L'amour de l'art et de l'argent. Aux États-Unis, Le Gros réalise surtout qu'il y a des gens très riches, prêts à payer très cher pour des tableaux, tout particulièrement s'ils sont signés de célèbres artistes français. Il voit là l'opportunité de trouver la fortune. Et dans ce domaine, le jeune homme est plein de ressources. Il raconte à qui veut bien l'écouter qu'il a acheté des plages dans les Caraïbes 25 cents le mètre carré pour les revendre 1000 dollars. Une sacrée plus-value. Légende ou réalité, faux ou vrai, nul ne le saura jamais. Il prétend aussi travailler pour la CIA, impossible à vérifier par définition. Fernand Le Gros se lance donc dans le commerce de tableaux. Un jour, il est invité à une grande fête chez un milliardaire texan de Beverly Hills. Il regarde les tableaux accrochés au mur, prenant un air pénétré, il commence à discuter avec le milliardaire. Bon, sa collection est belle, mais enfin, il lui manque un dufy, voyons. Ça tombe bien, il peut lui en vendre un, moyennant la somme rondelette de 50 000 dollars. Impressionné par le bagout et le culot du français, le milliardaire acquiesce. Fernand Le Gros n'a évidemment pas de toile de Dufy en sa possession. Mais quelques jours plus tôt, au cours d'une autre réception, il en a repéré une. Il retourne voir son propriétaire et lui en propose 20 000 dollars, peut-être même 25 000. Marché conclu. Fernand Le Gros aurait pu vendre des chaussettes à un cul-de-jatte, d'après Réal Lessard, son amant. C'est ainsi qu'il réalise ses premières ventes. Il n'a pas fait l'école du Louvre, mais très vite il devient aussi bon qu'un expert, du moins suffisamment pour toucher son premier million à 25 ans. Pour se simplifier la vie, il épouse une Américaine en 1956. Le mariage n'est pas consommé et pour cause, il aime les hommes, elle aime les femmes. Mais cette union lui permet de demander la nationalité américaine et d'avoir des papiers. Jusque-là, le stratagème n'a rien d'illégal. Ça ne va pas durer. À la fin des années 50, il croise le chemin d'Elmire Dohoury. À cette époque-là, le peintre faussaire est dans une bien mauvaise passe. Il a tenté de vendre avec une grande maladresse des Renoir, Modigliani et Matisse, tous émanant de son pinceau, bien sûr. Si bien que l'un de ses clients, le Fogg Art Museum à Cambridge, détenteur de plusieurs de ses Matisse, porte plainte contre lui. Il échappe de justesse à la prison. Dohoury fuit au Mexique, puis croise la route de Fernand Le Gros. Une rencontre décisive. Le marchand de tableaux propose de le renflouer, puis l'emmène en Floride. À peine arrivé à Miami, le marchand d'art met la main sur un jeune Canadien, Réal Lessard, 19 ans. Secrétaire particulier, amant, Lessard est multicasquette. Et il possède un talent plutôt intéressant. Très doué en effet pour reproduire des tableaux de peintres célèbres, lui aussi. Il n'est donc pas difficile d'imaginer l'idée qui germe alors dans la tête de Fernand Le Gros. Ses deux amis peindront des faux, à lui de les vendre, d'emballer le produit de ses beaux discours, et l'affaire est conclue. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, ils vont aussi des toiles véritables. Eh oui, cette technique est redoutable. Il l'explique sur France Inter le 26 avril 1973. Quand on me demandait des tableaux, je disais oui, mais au-dessous d'un million de dollars, ça ne m'intéresse pas. Et je donnais à mes clients la liste des plus grands marchands de tableaux du monde, en leur disant, allez les trouver, je suis persuadé qu'ils seront ravis de vous vendre un tableau. Mais moi, je ne vends pas un tableau, je vends une collection. Et je disais aux gens, vous n'êtes pas encore préparé pour m'acheter des tableaux, vous n'en avez pas les moyens. En tout cas, toujours est-il que lorsque vous serez prêt à dépenser un million de dollars, vous viendrez me voir. Avant ça, aucune affaire n'est possible entre nous, je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup de gens dans le monde, Fernand Le Gros, qui sont prêts à dépenser $1 milliard pour des peintures. Oui, je pas beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, moi, j'avais des dizaines et des dizaines de clients qui étaient tout à fait disposés à dépenser au moins $1 million. Audacieux tout cela et fructueux. Sa plus grande victime s'appelle Argus Horton Meadows. Milliardaire texan, mania du pétrole, il achète à Fernand Le Gros 58 tableaux entre 1963 et 1967 pour la somme de 3 millions de francs de l'époque. Il fait même construire son propre musée pour les exposer. Geste désintéressé d'un amateur d'art éclairé? Pas vraiment. Sous la présidence de Kennedy, en effet, est entrée en vigueur une loi permettant de déduire de ses impôts l'achat d'œuvres d'art. Voilà de quoi intéresser les plus riches. Et un solide argument pour Fernand Le Gros. Meadows, un beau pigeon, probablement pas très regardant de toute manière, dès lors qu'il avait trouvé là le moyen de payer moins de taxes. Mais Le Gros ne sévit pas qu'aux États-Unis. Au Japon, au début des années 60, il propose toute une collection au Premier ministre, Esaku Sato. Les toiles doivent garnir les musées du pays. Mais le dirigeant est d'abord prudent. Avant de donner l'ordre d'achat, il réclame une bonne parole, sorte de garantie de l'authenticité des tableaux. Et c'est finalement le ministre de la Culture français, André Malraux, qui la lui donne. C'est ce qu'explique Fernand Le Gros sur le RTF. Vous avez exposé au Japon ? J'ai vendu des tableaux au Japon, bien sûr. J'ai vendu à M. Sato, Premier ministre, pour les musées nationaux japonais. M. Malraux aurait vu mes tableaux au Japon et il lui déclarait à M. Sato, Premier ministre, qu'il déplorait que de tels chefs-d'œuvre quittent la France. Il faudrait donc demander des explications à M. Malraux si, tant soit-il, qu'il ait fait sa déclaration. Je l'ai lu dans la presse, je l'ai lu dans l'Express, je l'ai lu un peu partout. Si Malraux regrette le départ des toiles du territoire, c'est qu'elles sont vraies, ça c'est très fort. Il n'en fallait pas plus à Esaku Sato pour passer commande. Une cinquantaine de tableaux pour 20 millions de francs. L'affaire est conclue en 1965. Et c'est bien là tout le génie de Fernand Le Gros. Il met en place des stratagèmes extrêmement malins pour faire valider l'authenticité de ces tableaux. Et ces combines vont donner bien du fil à retordre dans la justice. Elle pose en effet une question apparemment simple, mais cruciale. Qu'est-ce qu'un faux et qui en est responsable? Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séance, dans un habit, ma foi, saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton, en véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur. Au début de sa carrière naissante de vrai marchand de faux tableaux, Fernand Legros se présente un jour à la douane américaine avec une série de toiles de belle facture. Aux agents, il explique que ce sont des copies. Ces derniers sont méfiants. En effet, les taxes sur les copies sont bien moins élevées que sur les originaux. Le marchand qui se présente devant eux aurait donc tout intérêt à faire passer ses tableaux pour des faux. En inspectant la marchandise de Legros, les agents découvrent des signatures de grands maîtres. On ne les aura pas comme ça. Il déclare les toiles vraies. Legros écope donc d'une amende d'$1 million qu'il paie sans bouffeter. Et pour cause, les douaniers viennent d'authentifier ces tableaux. À cette époque, les affaires de Fernand Legros commencent à faire des jaloux parmi les concurrents américains, notamment George Wildenstein, grand marchand d'art. Celui-ci conseille d'ailleurs à ses clients de se méfier de ce Legros. Et la rumeur se répand dans le monde de l'art américain. Fernand Legros a fait entrer des faux sur le territoire. Ses avocats se retournent alors contre l'État américain et les douaniers qui ont déclaré les toiles vraies. Ils sont les seuls à les avoir authentifiées après tout. Ils demandent le remboursement de l'amende, refus du trésor. Mieux encore, ce dernier réclame une seconde authentification aux douanes et voilà la collection de tableaux authentifiés deux fois. Legros devient vite le roi de la méthode. C'est même la clé de sa réussite. Dans l'émission « Fernand Legros, vendre le faux » du 6 mars 1971, il raconte comment il procédait. Dans cet extrait, il parle de vrais tableaux, car bien entendu, il n'a jamais vendu de faux, enfin officiellement. Eh bien, je commençais par les regarder, des tableaux qui me plaisent. Ensuite, très souvent, le tableau était accompagné déjà d'un certificat. Et moi-même, j'allais trouver les experts de ma convenance, qui à leur tour me délivraient leur certificat. J'allais voir les familles qui détiennent le droit moral, qui à leur tour me délivraient un certificat. Et si l'artiste était vivant, tel que Van Dongen ou Picasso, j'allais chez eux et à leur tour, ils me délivraient un certificat. Pauvre Fernand Legros, quelle injustice! Ces toiles peuvent-elles vraiment être fausses alors qu'elles ont été authentifiées par des experts et par les ayants droit, parfois par les peintres eux-mêmes? Oui, comme Van Dongen. Fernand Legros se présente un jour chez lui avec un portrait de femme réalisé à la manière du peintre. Ce dernier le reconnaît comme issu de sa production. Grabateur, Van Dongen n'avait pas toute sa tête à l'époque. Qu'importe, Legros repart avec un document signé du peintre lui-même. Le marchand de tableaux a-t-il acheté des faux sans le savoir? S'est-il fait avoir? Si c'est le cas, c'est un très mauvais marchand de tableaux. Car l'affaire de Pontoise et la plainte de la veuve d'Albert Marquet en avril 67 sonnent le début des révélations. Et les pastiches vendues par Fernand Legros se comptent par centaines. Quelques semaines après l'affaire Marquet, le concurrent américain de Legros, Wildenstein, avertit Algis Hartle Meadows des ennuis français de Fernand Legros. Le riche Texan fait donc expertiser sa collection par l'Association américaine des marchands d'art. Verdict, 44 des 58 toiles qu'il possède sont des faux. Selon l'expertise, la valeur de son lot de tableaux dépasse difficilement $500 000. On est loin des 7 millions expertisés par le fisc américain. Legros crie au complot. Les marchands de tableaux américains sont jaloux de sa réussite, c'est aussi simple que ça, voilà pourquoi. Mais pour Meadows, c'est la douche froide. Il dépose plainte en France, même topo au Japon, où les musées sont gardés de faux tableaux de maîtres français. C'est une libération assez curieuse, puisqu'en fait, il n'est pas sorti de prison. Ça, cela s'est passé à Genève ce matin. Fernand Legros, en effet, c'est un faussaire, c'est ce Parisien de 35 ans, qui avait accroché dans son appartement de l'avenue Henri Martin, dans le 16e, une vingtaine d'œuvres d'art tout authentiques. Il en avait aussi des fausses, mais les fausses, il les vendait à de riches collectionneurs. Fernand Legros a donc été libéré sous caution, pour une somme modeste, puisqu'il s'agit de 500 francs suisses. Mais tout libéré qu'il est, donc il va rester encore entre les quatre murs de la prison genevoise de Saint-Antoine. Il faut dire que les délits retenus contre lui en dans le territoire de la Confédération sont de peu d'importance puisqu'on l'a simplement découvert à Genève avec un passeport qui n'était pas le sien. Fernand Legros portait une perruque, paraît-il, et il avait un passeport non pas français mais canadien, qui était faux. La France réclame en revanche Legros pour le faire des faux tableaux et il doit prochainement être extradé. C'est en avril 68 qu'il avait été arrêté par les autorités helvétiques et relâché immédiatement. En tout cas, Legros ne peut pas être extradé tant que ses démêlés avec la justice helvète ne sont pas réglés. Démarre alors un jeu de chat et de la souris entre Fernand Legros et les autorités françaises. Depuis la Suisse, où il mène une vie de patachon, il nargue son pays d'origine, où l'enquête sur son affaire est encore en cours d'instruction. L'homme répond avec plaisir aux interviews et apparaît de plus en plus souvent à la télé. Il s'amuse de la soudaine célébrité qu'il a acquise grâce au scandale de ses fausses toiles et comprend vite qu'il peut en jouer. Il construit alors un personnage extravagant. Chapeau noir à large bord, longue barbe noire, lunettes sombres, manteau en fourrure de singe, lourde chaîne en or autour du cou. On dit qu'il possède 14 voitures, des Rolls et même une Lincoln blindée. Cette fois, il est la performance artistique et désormais, il est un personnage public. Sa légende s'amplifie lorsqu'en 1969, le journaliste américain Clifford Irving publie une biographie d'Elmire de Horry, le faussaire de Legros. Fake, the story of Elmire de Horry. Le peintre hongrois y est dépeint, ce qu'a de lire, comme un faussaire de génie tombé dans les mains malfaisantes du marchand d'art, incarnation vivante du diable. Quelques années plus tard, c'est au tour d'Orson Welles de lui consacrer un documentaire, F for Fake, sorti en 1976. Et pendant ce temps, en France, l'enquête piétine. Les juges d'instruction se succèdent et tentent d'établir les responsabilités. Elmire de Horry est inculpé ainsi que trois experts qui travaillent avec Fernand Legros. Le 16 septembre 1972, ce dernier est à nouveau arrêté en Suisse pour une affaire de meurtre cette fois. Il tente de mettre fin à ses jours en avalant des barbituriques. Il craint l'extradition en France. Assigné à résidence dans une clinique psychiatrique, Legros disparaît en décembre de la même année. Fernand Legros a disparu. Résident en Suisse depuis 1968, ce courtier parisien recherché par la police française pour trafic de faux tableaux ne s'est pas présenté ce matin devant le tribunal de Sierre, tribunal devant lequel il devait comparaître pour une affaire de mœurs. Pour l'instant, Fernand Legros est introuvable. Nous avons pu en revanche trouver son avocat, Paul Lombard, qui nous a rappelé sa situation. Eh bien d'abord, c'est vous qui m'apprenez, Yves Bourouzi, la disparition de Fernand Legros. Sa situation était simple. Fernand Legros était en liberté provisoire en Suisse et il était actuellement l'objet d'une procédure d'extradition de la part du gouvernement français. Mais je considère que cette nouvelle est très surprenante car Fernand Legros a toujours protesté de son innocence et il n'était pas homme à se soustraire à ses obligations. Je vous ne dissimulerai pas, je suis inquiet. En Suisse, l'hiver, comme en France, il fait froid et le ciel est moche. Fernand Legros va donc chercher le ciel bleu, là où il est, au Brésil. Mais il n'en profite pas très longtemps. Fin avril 1973, il est arrêté à Rio et emprisonné dans une cellule pour VIP. Il y attend son extradition pendant un an. Le 14 avril 1974, il quitte sa prison brésilienne et prend un vol pour Paris avec des policiers français. Un retour à l'image du personnage, spectaculaire, dramatique. Pendant le vol, il ingurgite une nouvelle fois des barbituriques. C'est donc sur une civière qu'il fait son retour sur le sol français. Après une courte hospitalisation, il rejoint sa nouvelle maison, la prison de la Santé, dans l'attente de son procès. Ici, évidemment, ni luxe ni drap en soie. Legros dépérit. Mais son calvaire ne dure pas très longtemps. Le 3 juillet 1974, les journalistes font le pied de grue devant la Santé. Fernand Legros devrait être libéré en ce moment même de la prison de la Santé. Est-ce exact, Alain Trampolieri ? Oui, je puis vous dire, Yves Mourosi, qu'à l'instant, les grandes portes de la prison de la Santé viennent de s'ouvrir. Une ambulance est sortie. À l'intérieur de cette ambulance, J'ai reconnu Fernand Le Gros. Il ne sera pas libéré tout de suite, car Fernand Le Gros, qui est écroué ici à la prison sur les inculpations d'escroquerie et de fonds en matière d'art, doit d'abord se rendre chez le juge d'instruction Le Cléniac au palais de justice de Paris. Là, il va certainement verser une très forte caution et il sera donc mis en liberté sous caution. Vous savez que Fernand Le Gros était très malade, lui qui aimait beaucoup le luxe, il n'avait pas supporté tellement la prison, aussi bien au Brésil qu'en France. Il est dans un état de faiblesse assez poussé, donc mise en liberté sous caution. Nous n'avons pas encore la somme de la caution, mais je peux vous dire c'est que Fernand Le Gros a déjà quitté la prison. Mais libéré sous caution, Fernand Le Gros va pouvoir préparer sa défense en liberté. Il s'entoure de nombreux avocats parmi les plus célèbres de l'époque, Lombard, Tixier-Vignancourt, qui défendit Céline en 1949. Voilà pour la partie judiciaire. Pour ce qui est de son image publique, il trouve un allié de taille en la personne de Roger Perfitte. L'écrivain qui achève l'écriture d'une trilogie sur Alexandre le Grand flaire un bon sujet en la personne de Fernand Le Gros. Il lui propose d'écrire sa biographie. Oh, c'est trop d'honneur pour le marchand d'art, qui accepte bien entendu. Le livre, un pavé de 450 pages, il paraît début 1976. Jamais on n'a écrit sur un personnage vivant avec plus de liberté que dans ces tableaux de chasse ou la vie extraordinaire de Fernand Le Gros, précise la quatrième de couverture. Très autorisée, cette biographie fleure bon la géographie. Fernand Le Gros a beau balayer d'un revers de la main les accusations portées contre lui, la justice finit par passer. Le 8 mai 1978, son procès pour escroquerie, faux et usage de faux s'ouvre devant la 31e chambre correctionnelle de Paris. Le Gros arrive comme une rockstar, bien décidé de faire de cette salle d'audience son théâtre. Sa ligne de défense est toujours la même. Acheteur naïf, il s'est fié au jugement des experts. Ce sont eux les responsables. Sur le banc des accusés, il y a à ses côtés trois experts, justement. Mais une place reste vide, celle d'Elmire Lahoury. L'homme, sur le point d'être extradé en décembre 76, a préféré se donner la mort plutôt que d'affronter ses mensonges. Le 3 juillet 1979, le verdict tombe. Fernand Le Gros est condamné à 2 ans de prison ferme sur les 4 années requises et 15 000 euros d'amende. Il a déjà passé 30 mois derrière les barreaux, il n'y retournera donc pas. À la sortie du tribunal, l'ancien marchand de tableaux semble satisfait. Je suis satisfait du jugement dans le sens que, bon, étant donné que j'ai fait 2 ans et demi de prison, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Néanmoins, je trouve quand même triste et affligeant d'être condamné pour des délits qu'on n'en a pas commis. Vous persistez à dire que les tableaux étaient de vrais ? En tout cas, s'ils n'étaient pas vrais, je n'étais jamais de mauvaise foi en vendant ces tableaux, cela va de soi. Est-ce que vous allez continuer à vendre les tableaux ? Mais je me suis arrêté de vendre des tableaux depuis 1966, alors vous voyez, c'est une vieille histoire. Retraité ? Dans la peinture, oui, certainement, depuis longtemps. Voilà pour ce qui est de l'affaire Meadows. Une semaine plus tard, Le Gros écope de 2 ans de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour l'affaire de Pontoise. Il finit sa vie misérable et succombe à un cancer de la gorge le 6 avril 1983. Peu avant de mourir, il déclare « Tout ce qu'on dit de moi est faux ». Autrement dit, quand le faussaire fait de tous ceux qui parlent de lui des faussaires. The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air. Green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue in the night. Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Fernand Legros, Elmire de Haury, faussaire de génie. Si tant est que un faussaire puisse avoir du génie, tiens, on va en parler avec vous de cela. Harry Bellé, notre invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service culturel Le Monde, auteur du documentaire La vie extraordinaire de Fernand Legros, roi des faussaires, qui a été diffusé sur France 5 en 2017, et de l'ouvrage que je tiens entre mes mains, Faussaire illustre, chez Actes Sud, dans lequel vous revenez sur 8 affaires célèbres de ce genre, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle de Fernand Legros. Il n'existe pas de génie du faux. On ne devrait pas dire ça. Hein. Non, ceux qu'on n'a pas attrapés. Voilà. Voilà. Je pense que les seuls génies du faux sont ceux qu'on n'a pas encore trouvés, mais sont assez peu nombreux. Bien. Pourquoi vous êtes-vous intéressé comme aux faussaires? En général, on reviendra sur notre ami Fernand tout à l'heure. Pourquoi les faussaires? Qu'est-ce qui vous fascine? Précisément parce qu'ils fascinent. Et en fait, j'ai retrouvé une phrase assez jolie de Roland Topor qui dit on est fasciné par les faussaires parce que lorsqu'on méprise les artistes. Il y a effectivement chez les gens une espèce de il y a un côté Robin des Bois, il y a un côté Arsène Lupin aussi, oui voilà tout ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mort d'homme quoi. Oui, mais si, quand même, il y a mort d'artiste. Il y a mort d'artiste, bien sûr. Mais oui, parce que si on pense que Corot est parfois un mauvais peintre, c'est qu'on regarde surtout ses faux tableaux. Horrible. Bon, alors, Fernand Legros, était-il à proprement parler un faussaire? Et ça revient à poser la question du faux, finalement. Qu'est-ce qu'un faux en peinture? Alors, la première question, c'est était-il un faussaire? Non, c'était un escroc, c'est pas lui qui peignait les tableaux, il les vendait. C'était un faussaire dans la vente. Alors, Horry, oui. Horry, oui, et puis il y en avait d'autres. Quoi qu'on ait dit Horry, il n'était pas le seul à travailler pour Fernand Legros. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce sont tous des braves types. Un faussaire, un escroc, sont tous des gens très séduisants. Un escroc qui vous ferait la tête, qui aurait l'air pas sympathique, forcément, il peut changer de métier. Donc, ce sont des gens éminemment sympathiques, parfois très imaginatifs. Vous avez raconté comment ils passaient les douanes américaines. Ça, c'est formidable. Le coup des douanes, c'est génial. C'est d'un culot monstrueux. mais j'en ai connu d'autres. J'en ai connu d'autres qui étaient au moins aussi bons. Comme celui qui, en Grande-Bretagne, mettait des photos vintage, supposées vintage, de ses faux tableaux dans les archives des grands musées. Et quand on voulait vérifier si le tableau avait vraiment été exposé dans les années 50, en allant dans les archives, ah bah oui, il y était. Oui. Donc ce sont des gens d'une imagination folle. Beltracchi notamment. Beltracchi a fait poser sa femme dans un intérieur 1920. Il a fait des photos avec du papier d'époque. Il a vraiment tout fait comme il faut. Et donc les tableaux qu'il vendait étaient derrière son épouse, qu'il faisait passer pour sa grand-mère. Et tout le monde s'extasiait. Ouais. Mon Dieu, c'est incroyable ce que vous ressemblez à votre grand-mère. Je me souviens de ça parce qu'on avait consacré une affaire sensible à Beltracchi. Alors, sur le gros, c'est un personnage... mais l'autre aussi, d'ailleurs, Horry. Ce sont des personnages hors du commun. Ce sont des faussaires avec un certain folklore. La façon dont ils s'habillent, la façon dont ils vivent. Des vies de patachons, de nababs. Et on a l'impression qu'il faut ça pour construire la vraie légende, si j'ose dire, d'un vrai faussaire. Mais ce sont aussi des gens qui font ça pour l'argent. Aussi. Mais vraiment, ce sont des bandits. Faut pas l'oublier. Donc ils mènent grand train. Ils gagnent de l'argent et ils le gagnent relativement facilement et ils le dépensent, bien sûr, oui. C'est vrai qu'il aurait inspiré Hergé qui voulait en faire le méchant de son dernier Tintin. Oui. C'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai. Il avait trouvé un nom. Il faut que je retrouve. Je l'ai noté parce que je parle assez mal le flamand et encore moins bien le patois bruxellois. Pardon, le bruxellois. Excusez-moi. Comment il l'avait appelé? C'est pas grave. Non, mais j'y tenais, c'était joli. Enfin, c'était le Rastapopoulos de la peinture. C'était le Rastapopoulos. Oui, et bien, c'était, quand on voit les dessins de Lalfart, où donc ce méchant, ce mage, Ekeni Massas ou quelque chose comme ça, ce qui veut dire grosso modo, c'est toujours ça de prix. Oui. C'est vraiment le portrait de Legros. Bien, alors. Chapeau compris. Chapeau compris. Et chapeau à lui, parfois aussi, hein. Même si on aime la peinture, on doit s'interdire d'aimer les faussaires, finalement. On peut aimer qui on veut, hein. Oui, bien sûr, mais quand même. Que les voyous étaient parfois séduisants, mais non, c'est pas bien pour les peintres. Alors c'est vrai que c'est sympathique, ils trompent les experts. Au fond, l'argent, c'est celui de collectionneurs très riches. Meadows déduisait de ses impôts bien plus que lui avait coûté ses tableaux. Oui. Bon, très bien. Bon, encore une fois, c'est les artistes les victimes. Bien sûr. On l'a dit dans le récit, Fernand Legros s'est beaucoup arrangé avec la réalité. On peut dire qu'il était mythomane aussi. Alors je vais vous proposer une petite série de questions sur le mode vrai ou faux, d'accord ? Alors, on dit qu'il a travaillé pour la CIA, vrai ou faux, vous pouvez donner une réponse au milieu, ni vrai ni faux, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. La CIA, qu'est-ce que vous savez de ça? Eh bien, que il aurait été, disait-il, surnuméraire à la CIA pour espionner son amant, disait-il aussi de l'époque, Dag Hammarskjöld, qui était secrétaire général de l'ONU. Et le problème, c'est que quand il dit ça, le secrétaire général de l'ONU est mort. Donc il ne peut pas le contredire, et que la CIA n'a pas pour habitude de commenter les activités de ses agents réelles ou supposées. Donc c'était sans risque. Bon, pareil alors... pour Las Cuevas. Alors tiens, il a dansé pour la compagnie de Marquet ou pas? Eh non, enfin non, il le dit, mais quand il dit avoir dansé pour la compagnie de Marquet, il était à New York et la compagnie était à Monaco. Il a 16 ans ou 17 ans à l'époque, ce qui est un peu jeune, et quand il demande un certificat de travail, en quelque sorte, au secrétaire de la compagnie de Cuevas, le secrétaire le lui refuse. Bon. Acheter des plages dans les Caraïbes, vrai ou faux? J'en sais rien. Bien. Ah, c'est vrai qu'on a le droit de dire ça. Ben oui, on n'en sait rien. Entre vrai ou faux, il y a je n'en sais rien. Et c'est très bien. Non, mais on n'en sait rien. C'est le problème avec les mythomanes, c'est que là. Ben oui. Ouais. Alors en revanche, là, c'est pas à vérifier ou pas vérifier, mais on a du mal à le croire quand il dit, moi je suis pas un expert, hein, les responsables sont les experts. J'imagine mal, moi si j'étais faussaire, faire faux, sans connaître les règles quand même. Il dit, je suis pas un expert. Si, c'est un expert. Non? Mais la responsabilité, c'est celle de l'expert, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, aujourd'hui encore, si vous achetez une œuvre en salle des ventes, des gens parfaitement honorables, que sont les commissaires priseurs, et que vous avez un conflit avec eux, ils vont se retourner contre leur expert. Oui, bah oui, c'est logique, c'est facile en même temps, mais ça a fonctionné. On a une idée du nombre de faux que ce monsieur a écoulé? Bah non, mais on sait qu'il en a vendu par paquet. Donc, 1012, c'était une soixantaine, un peu moins. Ça tôt probablement autant, et puis après, c'est un peu un souci avec les faussaires. Ils sont repérés pour un certain nombre de tableaux, évidemment ils n'en admettent jamais aucun autre. Beltracchi a travaillé 35 ans, il a admis 14 faux. Ouais. Voilà, bon, il y en a donc pas mal qui se baladent dans la nature. Bon, alors, ce Le Gros aurait donc travaillé avec Elmir Dohoury, peintre d'origine hongroise dont on a parlé en début de récit, mais Fernand Le Gros n'a jamais admis cette collaboration. On va l'écouter parler justement d'Elmir Dohoury. Là, nous sommes le 12 décembre 1976. Il est interrogé en réaction au suicide du peintre sur France Inter. Son vrai nom, c'était Elmir Hoffmann. Il s'était appelé Baron Herzog et puis maintenant, il vivait sous l'identité fausse de Baron Dohoury, qui n'était pas du tout son identité. Ça n'a jamais été le faussaire du siècle, ça n'a jamais été un faussaire, ça a été un peintre très médiocre. Enfin, est-ce que Elmir a vraiment peint des Picasso, des Vlaminck, des Modigliani, des Matisse, des Derain, des Marquet, comme il le prétendait, comme il disait les avoir signés, et vous accusez ensuite d'avoir gommé à l'autre colonne sa signature pour la remplacer par des signatures supposées authentiques? Absolument pas. D'ailleurs, il en eût été parfaitement incapable et eussé-je dû avoir une telle idée ou initiative, je me serais adressé à David Stein, qui est lui, le faussaire génial du XXe siècle. C'était le gardien de ma propriété et nous ne sommes jamais allés plus loin. Je connais David Stein depuis 1958. Nous sommes en 1973. Alors, si j'ai besoin d'un faussaire, eh bien, je vais à la source. Je n'ai pas besoin de prendre un monsieur médiocre, paranoïaque et mégalomane. Quel ingrat, c'est Le Gros. Eh oui, il l'avait baptisé Elmir Dohoury, la princesse de Transylvanie. Il y a un vrai conflit à l'époque autour de la propriété de la villa d'Ibiza à la Falaise. Elmir dit qu'elle est à lui, Fernand Le Gros dit que c'est lui qui a tout payé, et Réal Dessart dit non, c'est à moi. Je vois. Donc, voilà. Mais on sait avec combien de faussaires il a travaillé après les enquêtes, hein, parce qu'on parle aussi de Réal Lessard dans le récit. Oui, hein. Oui. Oui. En fait, Elmir Dohoury a toujours dit qu'il était le seul. Fernand Le Gros a toujours dit qu'il n'avait jamais vu un faussaire de sa vie, sauf Stein, qui est probablement le seul à ne pas avoir travaillé pour lui, puisqu'il le cite. On pense à donc Réal Lessard, oui, ça c'est en tout cas ce que Réal Lessard dit. On pense à Nathan Leub et à Alain Matouré, puis il y en a sûrement eu d'autres. Hein. Oui. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes, Harry Bellet, et on parlera de tout ce qui traîne, enfin ce qui peut traîner comme faux tableau aujourd'hui, en tout cas au-delà de l'affaire Le Gros. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, une histoire de faussaire, celle d'un certain Legros, certain Fernand Legros, et associé à Elmire de Horry. Bien que, on va écouter une nouvelle archive, une dernière ensemble. Elle est extraite d'un débat sur les faux, hein, dans le cadre de l'émission Chef-d'œuvre à la carte du 15 novembre 1975 sur cette antenne de France Inter. Et alors, c'est intéressant parce que il s'agit d'un échange entre Fernand Legros et un expert, parmi tous ces experts que Legros a pu gruger. J'ai vendu plus de 1000 tableaux dans ma vie. Or, ces 1000 tableaux, chaque tableau détenait chacun 3 à 4 certificats d'experts français, tels que M. André Pacitti, et puis des détenteurs, détentrices du droit moral. Or, M. Pacitti m'a causé un préjudice considérable et j'ai déposé une plainte contre M. Pacitti de 500 millions d'anciens francs de dommages et intérêts. Car sans M. Pacitti, il est évident que je n'eusse pu vendre mes tableaux. Donc la faute en incombe aux experts si l'on se trompe. Un marchand n'est pas expert. Un marchand va trouver un expert. Je vous précise que M. Pacitti a failli intervenir sur notre antenne, mais il s'est dérobé à l'interview. Mais moi, je le regrette. Le doigt de M. Jean Cailleux, qui est président des négociants d'art, s'est levé. Je ne suis pas d'accord avec M. Legros. Vendeur est responsable de ce qu'il vend. Il peut, à l'appui de ses prétentions, donner des certificats d'experts, et c'est regrettable, mais c'est lui qui est responsable, et ce ne sont pas les experts. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Forcément, il est en train de le traiter d'incompétent. Mais il a raison quelque part ou pas? C'est ça que j'arrive pas à savoir. On a parlé des experts tout à l'heure. Vous dites, oui, les experts peuvent se tromper. Mais enfin, c'est là que le bât blesse quand même. C'est peut-être là, si on voulait lutter contre le piratage, ce piratage-là, qui est si dommageable aux artistes, peut-être qu'il faudrait passer par les experts. C'est peut-être là la solution, non? Ben, les experts travaillent comme ils peuvent. Mais alors d'abord, parfois, ils ne peuvent pas travailler. Lorsque vous êtes expert aux États-Unis, par exemple, que vous annoncez à votre client que le tableau qu'il vous présente est faux, il va vous répondre « Vous venez de me faire perdre de l'argent, je vais vous faire un procès ». Et donc, on a des experts qui sont des historiens d'art ou des descendants d'artistes qui, par exemple, je pense à la fondation qui s'occupait de gérer les droits d'Andy Warhol ou celle qui s'occupait de gérer les droits de Jean-Michel Basquiat. Ils ont renoncé à expertiser parce que ça leur coûtait trop cher en frais d'avocat, tout simplement. Et puis, il y a une distinction qui se fait en France, heureusement, et depuis un procès assez récent qui a permis à Werner Spies, qui était mis en cause dans l'affaire des faux Beltracchi, de se disculper. Werner Spies a fait valoir qu'il agissait en tant qu'historien d'art. C'est-à-dire qu'il avait une opinion d'historien d'art et qu'il n'était pas expert au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'on lui demandait pas d'authentifier un tableau pour la vente. On lui demandait, est-ce que c'est un Max Ernst? Il lui disait oui ou non. Bon. Les arguties. Non, c'est important parce que si vous ne pouvez plus donner votre opinion sur un tableau ou l'histoire de l'art, elle est foutue. On ne peut plus faire l'histoire de l'art. Oui, bien sûr. En tout cas, il n'y a plus le regard critique, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il inspirait d'autres faussaires, ce maître Le Gros, si c'est ce... Un maître Le Gros, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on citait le cas de Beltracchi tout à l'heure. Beltracchi résume un peu tous les épisodes précédents. C'est-à-dire que je me suis intéressé aux faussaires dans ce qu'ils avaient de créatif. C'est-à-dire comment ils inventaient des moyens nouveaux de gruger leurs contemporains. Bon. Ça remonte assez loin. Et Beltracchi, il n'a pas inventé grand-chose, mais il a beaucoup fait une synthèse. Ouais. Il arrive à lui tout seul à utiliser toutes les trouvailles de ses prédécesseurs, et il l'a fait assez avec succès, puisqu'il a tenu 30 ou 35 ans. Et c'est vrai que ça ne date pas d'hier, puisque vous le dites, un siècle avant notre ère, le grec Pasiteles vendait aux Romains des statues vieilles de 400 ans qu'il avait faites la veille, voilà. Oui, Moi, je fais l'érudit en disant ça, mais simplement, je l'ai appris en lisant votre livre, et donc j'encourage les auditeurs à apprendre des choses comme ça en lisant ce livre. Oh là là, l'heure tourne. Il faut seulement que vous puissiez me dire, si tant est que vous puissiez le dire, a-t-on une idée du nombre de faux qui peuvent circuler aujourd'hui? Non. On n'en a aucune, d'autant que c'est toujours très contesté. J'ai cité une phrase un peu ancienne, elle date de 96, de Thomas Hoving, qui était l'ancien directeur du Metropolitan Museum de New York. Thomas Hoving disait à l'époque, j'ai étudié pratiquement toutes les collections de mon musée, je pense qu'il y a 40% de faux. De tableaux repeints, tellement repeints qu'ils sont plus d'origine, ou d'attributions tellement idiotes que c'est pas non plus correct. Bon. Alors, c'est discutable, c'est Thomas Hoving, mais c'est encore une fois, un type comme Beltracchi a travaillé 30 ou 35 ans, 14 tableaux reconnus. Ouais. Bon, on a entendu tout à l'heure Le Gros ou Houri, je ne sais plus, annoncer 1000 faux. Oui. Voilà, bon, des faussaires, il y en a des kilos, et à toutes les époques. Les Anglais qui venaient en Italie au XVIIIe siècle faire le grand tour, ils voulaient revenir avec des souvenirs, il n'y avait pas de carte postale, ils achetaient les tableaux et ils avaient envie de primitifs italiens. On leur faisait les primitifs italiens au XVIIIe siècle. Mmh. Alors les tableaux passent dans des collections de lords anglais, puis finissent dans des musées britanniques, et personne ne va imaginer qu'un lord au XVIIIe siècle a pu être grugé. Ouais. Et parfois, ça finit mal, hein, comme vous dites, par un coup fatal sur la tête, par exemple. C'est ainsi que le Britannique, je lis 5 lignes de votre livre, d'accord? C'est ainsi que le Britannique Eric Hepburn a terminé salement sa vie, crâne défoncé par un objet contondant, peut-être un marteau, une nuit de 1996 dans le quartier chaud du Trastevere à Rome. Qui est plus chaud du tout maintenant, ça a l'air petit bobo, mais enfin bon, où il vivait depuis 30 ans. Parfois ça finit mal, donc. Bah oui, lui, on l'a assassiné, on n'a jamais su pourquoi. Il n'a pas été volé, donc c'est pas crapuleux a priori. Ça pouvait être sentimental, parce qu'il avait une vie sentimentale très compliquée. Ça pouvait être aussi parce que c'est le seul. Alors si on me parle de génie, ce que je refuse en matière de faussaire, à lui je l'accorderais peut-être. Pourquoi? Parce que c'est le seul à jamais avoir été pris. Ah oui, ça revient à la définition que vous donniez tout à l'heure. On savait qu'il faisait des faux, mais il n'y a jamais eu de plainte, on n'a jamais trouvé lesquels. Il n'y a jamais eu de plainte contre lui, il n'a jamais été jugé, encore moins condamné. Si, il y a 8 ans, quand il a mis le feu à son école. Oui, quoi? Dernière chose. À quoi? Fernand Le Gros, c'est le top? Dans le genre? C'est un champion? C'est un des meilleurs escrocs, mais c'est pas le meilleur faussaire. D'accord, bah, voilà, ce serait une belle fin, le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre livre, Faussaire illustre, arrivé chez Actes Sud. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, Fernand Le Gros, faussaire. Non, pas faussaire de génie, bah, faussaire efficace, on va dire. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Et merci à Théo Gomard qui était à la technique aujourd'hui.